Chapitre 10. Le corps de la bienheureuse Germaine, mis par les impies en terre dans un lit de chaux, est retrouvé au bout de 2 ans intégralement conservé. Avec la renommée de ses nombreux miracles, s'accrut toujours de plus en plus la dévotion des peuples envers la bienheureuse Germaine, et cela jusqu'à l'année 1793, époque à laquelle son corps fut enlevé par des mains sacrilèges du lieu où il était et jeté dans une fosse profonde. Sur la fin du XVIIIe siècle, la France, comme chacun sait, fut tout en perturbation et en désordre. La famille royale ayant été renversée du trône et la République proclamée, on vit monter au pouvoir et prendre les rênes du gouvernement une tourbe d'hommes impies, scélérats et cruels, qui, dès le principe, firent une guerre acharnée à la religion, usant de toutes sortes d'artifices et de violences pour la déraciner du cœur des fidèles. On vit dans l'espace de peu de temps les évêques chassés de leurs sièges, les ouailles devenues la proie et les victimes de loups dévorants, les prêtres et les autres ministres du sanctuaire traînés devant les tribunaux, jetés dans les prisons, persécutés et barbarement égorgés par plusieurs centaines à la fois. Puis le culte divin proscrit, les églises renversées, les autels démolis, les choses sacrées profanées, les ossements et les reliques des martyrs brûlés et jetés au vent, les statues brisées et les saintes images déchirées. Il arrivait des commissaires investis de pouvoirs illimités, parcourant les villages et les villes, portant partout avec eux la désolation, la ruine et l'extermination. Ils pouvaient, quand tel était leur bon plaisir, par un signe et arbitrairement, prendre, saisir et piller impunément tout ce qu'il y a de plus sacré et de plus vénérable. Malheur à qui aurait osé désapprouver de vive voix et faire entendre la moindre plainte, la moindre réclamation. Il n'est pas étonnant d'après cela que l'église de Pibrac et la sépulture de la vénérable cousin aient eu à subir le même sort. Les révolutionnaires, qui alors exerçaient le souverain pouvoir à Toulouse, ne pouvaient pas certainement voir de bon œil le concours des peuples qui chaque jour venaient de divers cantons vénérer la sainte dépouille de la petite bergère. Le bruit des grands et nombreux miracles qui s'opéraient par son intercession venant frapper leurs oreilles était pour ces hommes qui ne voulaient pas entendre parler du religieux et du surnaturel, une épine qui leur transperçait le cœur et qu'ils ne pouvaient en définitive supporter. Partant, ils les libérèrent et arrêtèrent de disperser, s'ils en trouvaient le moyen, le corps de la bienheureuse Germaine. Et à cet effet, en l'année 1793, ils envoyèrent à Pibrac un de leurs commissaires. C'était un certain Toulza, vil artisan en vases et en ustensiles d'étain, qui, n'ayant d'autre mérite que son impiété et son naturel présomptueux, s'en était fait cependant comme un marchepied pour s'élever jusqu'à être un des chefs révolutionnaires du district de Toulouse. Arrivé à Pibrac, il fit enlever de la place et ouvrir la caisse de plomb dont il fit tirer le corps de la bienheureuse. Ensuite, les nouveaux magistrats municipaux, qui ne valaient pas mieux que Toulza, ordonnèrent à 4 hommes du pays de creuser dans l'endroit même, sous le pavé, une fosse profonde et d'y jeter la relique révérée. Un d'eux refusa, protestant hautement qu'il ne consentirait jamais à se prêter à cette méchante œuvre. Les autres consentirent, et, non contents d'avoir jeté le corps dans la fosse, ils mirent par-dessus un lit de chaux vives avec une grande quantité d'eau pour qu'il fût promptement décomposé. Mais Dieu ne tarda pas à le rendre selon ce qu'il méritait. L'un d'eux fut inopinément frappé d'une paralysie qui lui ôta l'usage d'un bras. Un autre eut le cou contracté et enroidi avec la face tournée sur les épaules. Et le troisième fut, à la fleur de l'âge, saisi par un mal si opiniâtre qu'il demeura jusqu'à la fin de sa vie dans l'impuissance complète de marcher, et qu'il dut se servir de potence pour se soutenir sur ses pieds. Il porta ainsi jusqu'à sa mort, et sans ressentir aucun remords, au vu de tous et à leur grande terreur, le châtiment de son impiété. Les deux autres, après un intervalle de plus de 20 années, rentrèrent en eux-mêmes et, repentant des excès dont ils s'étaient rendus coupables, ils eurent recours avec confiance à l'intercession de la bienheureuse Germaine, et obtinrent d'elle la guérison de l'âme ainsi que celle du corps. Lorsque la précieuse relique eut ainsi été soustraite à la vue des habitants du comté, leur dévotion et leur confiance n'en diminuèrent pas pour cela. De tous côtés, ils se rendaient à la sacristie, et là, agenouillés sur la tombe, ils priaient et demandaient des grâces. D'autres, ne pouvant s'y transporter, saluaient de loin leur chère petite bergère et se recommandaient à elle, retirant par son intermédiaire, comme auparavant, aide et secours dans leur misère et leurs infirmités. Les affaires publiques ne furent pas plutôt dans un état plus tranquille, que tous se rendirent auprès du syndic, Jean-Gabri Force, et de l'abbé Montastruc, qui était le curé intrus de Pibrac, pour demander qu'on déterrât le corps de la bienheureuse, ce qui fut fait en 1795. Il fut trouvé avec les chairs desséchées et durcies, mais du reste entier et bien conservé, quoiqu'il ait été pendant 2 années consécutives dans un lit de chaux, sans aucun préservatif contre l'humidité du terrain. Il arriva même que, lorsqu'on eut enlevé un voile qui couvrait le visage de la bienheureuse, on y remarqua quelques taches d'un sang frais et merveille. On peut bien se représenter quelle émotion à cette espèce se manifesta parmi le peuple, avec la pompe d'une procession solennelle et avec des signes de joie et des signes d'allégresse. On leva de terre le Saint-Corps et on le replaça dans le lieu d'où on l'avait arraché. Puis, l'an 1820, il fut transféré dans la nouvelle sacristie, en 1831 dans la chapelle de Saint-François, et finalement, en ces dernières années, dans un monument construit sur le sol du cimetière et séparé de l'église, en exécution du décret d'Urbain VIII. Ce serait ici le lieu de rapporter les miracles par lesquels Dieu s'est plu, depuis plus de 2 siècles et demi, à prouver les mérites et à glorifier le nom de la bienheureuse Germaine. Mais ils sont en si grand nombre que ceux-là seuls qui sont rapportés dans les procès juridiques s'élèvent à plus de 100. Guérison en tout genre d'infirmités, opérée sur des personnes de tout âge et de toute condition, en tout temps et en toute saison de l'année, et très souvent instantanément devant le tombeau à l'invocation du nom, à l'attouchement des reliques de Germaine. Mais ayant écrit là-dessus plusieurs chapitres dans une autre histoire, je me contenterai de raconter dans ce livre les 4 miracles qui ont été approuvés par la Sacrée Congrégation des Rites et vérifiés par Sa Sainteté, notre Saint-Père Pie IX.